بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 32 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam avec les explications de Cheikh Abdullah Al-Bassam dans son charh qui s'intitule Taysir Al-Allam, Charh Umdat Al-Ahkam. Et donc aujourd'hui le chapitre qu'on commence dans ce livre, c'est un nouveau chapitre au sujet de Istiqbal Al-Qibla. Istiqbal Al-Qibla, c'est-à-dire le fait de se mettre dans la direction de la Qibla pour établir la salat. Ça, c'est une condition pour que la salat soit valable dans l'islam. Et donc bien entendu, si on ne prie pas dans la direction de la Qibla, hein, c'est-à-dire vers la Kaaba, eh bien dans ce cas-là notre salat ne sera pas acceptée, notre prière ne sera pas valable. Et on va justement lire les paroles de Cheikh Al-Bassam à ce sujet-là. Le Cheikh, il explique, il dit: قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم وملتقى قلوبهم وأرواحهم. C'est-à-dire que la direction de la Qibla, la direction, on dit en arabe la Qibla des musulmans, c'est la Kaaba al-Musharrafa. Donc c'est يعني la Kaaba qui est la mosquée qui a été construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. Et c'est la première demeure, hein, la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et il y a des versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette maison et cette mosquée, si on veut. Et l'exemple de ça, c'est le verset 125 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. C'est-à-dire, rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et une asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confirme à Abraham et à Ismaïl ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse et s'y inclinent et s'y prosternent. Naam. Donc ça c'est un exemple de le fait que Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a construit cette demeure pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le culte du Dieu unique Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh il explique que cette Kaaba que Ibrahim a construit, eh bien en fait à la base, bon, le Cheikh il explique pas ça, mais c'est des choses qui sont connues, que à la base c'est Ya'qub alayhi salam qui avait construit la Kaaba et Sulayman je me trompe avec le Masjid al-Aqsa, désolé yani. Donc c'est ça. Donc ici le Cheikh il dit c'est la Kaaba, qu'est-ce que ça représente pour les musulmans? ça représente le signe de leur unité, de leur unité. Hein? Puisque tous les musulmans partout sur la terre se tournent tous vers cette direction-là. Donc c'est ce qui représente l'unité de la Ummah. C'est une des manifestations de l'unité de la Ummah. Tout le monde se tourne vers la Kaaba. Tout le monde dirige leur regard vers la Kaaba. Et c'est là que leur cœur et leurs âmes se réunissent. Hein? Et le cheikh il dit ensuite: وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْكَعْبَ قِيَامًا لِلنَّاسِ فِي أَحْوَالِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَأَمْنًا لَهُمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَيَجِدُونَ فِي ظِلِّهَا الطَّمَأْنِينَةَ وَالْأَمْنَ وَالْإِيمَانَ وَبَقَاؤُهَا تُحَجُّ وَبَقَاؤُهَا تُحَجُّ وَتُزَارُ وَهُوَ عَلَامَةُ بَقَاءِ الدِّينِ وَقِيَامِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ يستقبل الكعبة ويعني وبيت المقدس معا على المشهور. فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة أشرف بقعة على الأرض وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que donc la Kaaba soit l'endroit où les gens se tiennent et c'est là qu'ils viennent pour faire le hajj, hein, et la umra et accomplir les rites. Et c'est également quelque chose qui représente l'établissement de l'islam et le fait que les musulmans ressentent de la tranquillité à cet endroit-là, de la sécurité, de la foi. Et également, c'est l'endroit où on va pour, comme je disais, pour accomplir le hajj, pour accomplir la umra. Et c'est un signe de la perpétuité de cette religion et le fait qu'elle demeure. De même que le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque où il était à Mecca, avant la hijra, il se tournait vers la Kaaba et vers Bayt al-Maqdis en même temps. Parce qu'il priait, hein, à Mecca en face de la Qibla, mais en direction du nord, yani vers Bayt al-Maqdis. D'accord? Donc il priait vers les deux, vers la Kaaba et vers Bayt al-Maqdis, selon qu'est-ce qui est célèbre. Puis lorsqu'il a fait la hijra vers Médine et qu'à cet endroit-là il y avait des juifs, eh bien il se tournait pendant 16 mois vers Bayt al-Maqdis. Et les juifs étaient contents de ça. Hein? Mais ils souhaitaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait que la Qibla soit changée vers la Kaaba, puisque c'est l'endroit le plus noble sur terre. Et c'est l'endroit, comme on a dit, où Ibrahim al-Hanif al-Khalil a construit donc la maison pour l'adoration d'Allah, la Kaaba. Et donc, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé que la Qibla soit changée. Et c'était dans la deuxième année après la Hijra. Et c'est là qu'il y a eu le changement de la Qibla de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Donc, il faut comprendre que quand les musulmans sont arrivés à Médine, pendant les premiers mois, eh bien, ils priaient vers le nord. Et puis, lorsqu'il y a eu le changement de la Qibla, eh bien, ils ont fait un tour de 180 degrés et se sont mis à prier vers le sud au lieu de prier vers le nord. Puisque la Kaaba, par rapport à Médine, elle se trouve au sud. Naam. Alors que Bayt al-Maqdis était au nord. D'accord? Donc ils ont fait un tour de 180 degrés et la plupart des mosquées qui étaient à Médine à cette époque-là ont changé leur direction de 180 degrés. Ils priaient vers le nord et ils ont tourné 180 degrés pour prier par la suite vers le sud à partir de ce moment-là. Et il y a des versets dans le Coran qui ont été révélés à ce sujet. Et juste pour en lire quelques-uns, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Baqarah, les versets 142 à 145, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien on va lire en arabe les versets en premier. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant, c'est-à-dire vers la direction de la Kaaba, de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, du juste milieu, de l'équilibre, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pour ceux qu'Allah guide. Mais pas pour ceux que Allah guide. Oui, c'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tout le sens dans le ciel, et nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, al-Masjid al-Haram, c'est-à-dire la Kaaba. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Non. Donc ça, c'est les versets qui ont été révélés dans le Coran à ce sujet. Et le Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, il dit: Istiqbal al-Qibla fi al-Salati thabitun fi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Ijma' wa huwa shartun lis-Salah la tasihhu bidunihi illa 'inda al-'ajz aw lin-nafilati 'ala ad-dabbah kama sayati fi hadhihi al-ahadith insha' Allah ta'ala. Donc le Cheikh, il dit que de se tourner vers la Qibla dans la salat, c'est quelque chose qui est confirmé et authentique dans le Coran, la Sunna et selon le consensus des musulmans. Et c'est une condition pour la validité de la salat, et la salat ne peut être valable excepté si on se tourne vers la Qibla, à part les cas dans lesquels on est incapable de le faire et qu'on a une excuse, ou bien les cas où, par exemple, quelqu'un fait une prière surérogatoire et qu'il est sur sa monture. Alors dans ce cas-là, hein, c'est pas une condition dans ce cas-là, hein, c'est pas pareil. Donc les nawafil, c'est pas la même chose que la prière obligatoire à propos de la Qibla. Et donc on va lire les hadiths à ce sujet-là de toute façon, avec les détails sur ces questions-là. Et le cheikh, il dit, on va donc en parler dans les hadiths qui suivent. Le premier hadith dans ce chapitre, c'est le hadith 65, selon la numérotation de yani, Taysir al-Allam. Et le cheikh, il dit, « An Abdillah ibn Omar, رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله يعني البخاري واللفظ له ومسلم يعني رواه البخاري ومسلم وفي رواية كان يؤتر أو يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذه لمسلم وللبخاري إلا الفرائض رواه البخاري. Donc on va lire ensemble, donc la traduction, on va traduire maintenant, c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière surérogatoire sur le dos de sa monture et يعني, il dit là où se trouvait son visage, c'est-à-dire peu importe dans يعني, la direction dans laquelle il était, et il faisait les prosternations et les recours et les soujouds, il faisait avec le mouvement de sa tête, c'est-à-dire il penchait sa tête pour faire le recours et le soujoud sur le dos de sa monture. Et Ibn Omar faisait ça aussi. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et c'est la version de Al-Bukhari, puis c'est rapporté également par Muslim. Dans une autre narration, il dit wa kana yutiru ala ba'irihi, c'est-à-dire quand il était sur son chameau, il faisait le witr également. Et c'est rapporté dans une autre version de Muslim, excepté que il ne faisait pas la prière obligatoire sur sa monture. Il faisait pour la prière obligatoire, il s'arrêtait pour la faire. Il ne priait pas sur le dos de sa monture, la prière obligatoire. Et la version de Bukhari, il disait « illa al-fara'id », c'est-à-dire qu'il ne faisait pas les prières obligatoires sur le dos de sa monture. Les termes de ce hadith qui sont un peu plus compliqué ou moins évident, c'est gharib al-hadith. Al-awwal yusabbihu ala dhahri rahilatihi. At-tasbihu huna yuradu bihi salat al-nafila min tasmiyati al-kul bismi al-ba'd. Min tasmiyati al-kul bismi al-ba'd wa qad khassat al-nafila bismi al-tasbih. Qala ibn Hajar wa dhalika 'urfun shar'i. Donc ici le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il faisait le tasbih sur le dos de sa monture. Le tasbih ici, il veut dire la prière surérogatoire. Et c'est d'appeler une chose ou d'appeler un tout par une de ses parties, par une de ses composantes. Donc d'appeler un tout, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est d'appeler un tout par une de ses parties ou de ses composantes. Et on a appeler la prière surérogatoire en particulier par le terme de tasbih, et le cheikh il mentionne que Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il dit que ça c'est une chose qui est une chose familière dans le langage de la sharia, yani d'appeler la salat al-nafila, de l'appeler tasbih. Le deuxième terme qui est mentionné, c'est al-maktouba. Qu'est-ce que ça signifie الصلاه المكتوبه شيخ الاكسبليك يعني الصلوات الخمس المفروضات دونك الصلاه المكتوبه سيغنيفي لي 5 prières obligatoires. C'est ça que ça veut dire المكتوبه. المكتوبه ça veut dire celle qui est obligatoire. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran, كتب عليكم الصيام kutiba, ça veut dire furida, hein, ça a été rendu obligatoire. Al-rahila, yani al-naqatu allati tasluhu li an tarhal. Donc al-rahila, c'est le chameau qu'on utilise pour faire des voyages, hein, avec laquelle on voyage, on l'appelle al-rahila. Donc ça c'est le dernier terme, les trois termes qui sont mentionnés, qui sont expliqués. المعنى الإجمالي الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام وهذا هو الأصل فيهما فما ورد في إحداهما من حكم فهو لهما سواء ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الآخر والغالب على هذه الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا. Donc on va traduire ça. Le cheikh il explique dans le sens général du hadith que en général dans la charia, lorsque on parle de la prière des prières obligatoires et des prières surérogatoires, eh bien elles ont des règles communes. Hein? Et ça c'est la base dans les prières obligatoires et les prières surérogatoires, elles ont des règles communes, excepté lorsqu'il y a par exemple des versets ou des règles qui sont mentionnées, qui spécifient que certaines de ces règles sont particulières ou spécifiques à l'une et non à l'autre. Donc en général, quand il y a les règles qui sont révélées ou mentionnées à propos de la salat al-farida, ça s'applique également à la prière surérogatoire. Les règles de la prière obligatoire s'appliquent aux règles de la prière surérogatoire. Hein? Ce qui est révélé à propos de l'une s'applique à l'autre. Mais il y a des preuves qui sont parfois spécifiques, comme j'ai dit, et qui ne s'appliquent qu'à une des deux parmi ces deux sortes de prières. Et le cheikh explique que la plupart de ces distinctions, lorsqu'elles sont établies dans les textes, c'est en général pour alléger les règles des prières surérogatoires, exclusivement, pour les rendre plus légères par rapport à la prière obligatoire, c'est-à-dire moins lourde ou moins imposante, si on veut, ou moins lourde, pour qu'elle soit plus simple en fait. Donc les prières surérogatoires sont en général avec des règles moins contraignantes et plus simples que la prière obligatoire. Et le cheikh il dit wa min dhalika hadha al hadith alladhi ma'ana, et parmi ces exemples, il y a le hadith qu'on est en train de lire maintenant qui est avec nous. Et il dit فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه القبلة ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر أما الصلوات الخمس المكتوبات وقوعها قليل لا يشغل المسافر يشغل المسافر فيها ويجب الاعتناء بها وتكميلها فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة. Donc le cheikh il explique que les prières surérogatoires en général on cherche à en faire le plus possible et on cherche à faire en sorte qu'on est occupé à le plus possible à en faire des prières surérogatoires, et donc on voit qu'il y a un allègement des règles au sujet des surérogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage sur le dos de sa monture, eh bien il priait dans n'importe quelle direction dans laquelle ils se dirigeaient, même si ce n'était pas la direction de la Qibla. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour le ruku' et le sujoud? C'est de baisser sa tête, hein, en signe de prosternation et en signe d'inclinaison. D'accord? Donc, il baissait sa tête un peu pour le ruku' et pour le sujoud, il la baissait un peu plus pour montrer, hein, qu'il faisait le ruku' et le sujoud. Et il dit, le cheikh, qu'il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit une prière surérogatoire absolue ou bien des prières parmi les rawatib, celles qui sont prescrites avant et après certaines des prières obligatoires, ou bien des prières qui sont reliées à une cause spécifique. Peu importe donc, que ce soit des nawafil reliées à des prières obligatoires ou reliées à des causes, ou que ce soit des nawafil générales qu'on fait à n'importe quel moment de la journée quand on veut. Et donc, dans tous ces cas-là, on peut les prier sur le dos de la monture, et peu importe dans la direction dans laquelle on se dirige. Et donc, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les faisait sur le dos de sa monture. Et parmi les nawafil, les prières surérogatoires, celles parmi elles qui font partie des plus, celles qu'on appelle les nawafil, les sunan al-mu'akkada, c'est-à-dire les nawafil, les surérogatoires qui sont confirmés, hein, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celles au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait beaucoup d'importance, comme par exemple le witr, hein, la prière de witr, qui est la dernière unité de prière que quelqu'un fait pendant à la fin de sa journée. Eh bien, il les faisait sur le dos de la monture également. Donc, c'est la preuve que même si c'est une nafila qui est mu'akkada, eh bien, on peut quand même la faire sur le dos de la monture. Tandis que les cinq prières obligatoires, étant donné qu'on les fait moins souvent et qu'elles ne vont pas occuper autant de temps pour le voyageur, eh bien, ça c'est obligatoire dans ce cas-là de les faire de façon complète et de s'arrêter pour les faire comme il faut et non pas de les prier sur le dos de la monture, excepté dans les cas de nécessité. Le cheikh dit excepté pour un cas de nécessité. Maintenant, le cheikh il va énumérer différentes règles qu'on peut extraire de ce hadith-là ou des hadiths qu'on a lus maintenant. Et il a mentionné de ce hadith-là 11 points. 11 points parmi les règles qu'on peut extraire de ce hadith. D'accord? Donc, on va les énumérer, on va les lire ensemble. La première règle que le cheikh a mentionnée, جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية. Donc, le premier point, c'est qu'il est permis de faire la prière surérogatoire dans le voyage sur le dos de la monture. Et le fait que Ibn Omar, celui qui rapporte le hadith, il le fasse lui-même, c'est plus fort que de simplement le transmettre, ce hadith-là. C'est-à-dire, non seulement il a transmis le hadith, mais en plus il l'applique. Hein, il le fait lui-même. Donc ça, c'est encore plus fort. Le deuxième point, ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في سفر استقبل بناقته إلى القبلة ثم صلى حيث وجه ركابه. Le cheikh explique que l'imam Ahmed et Abu Thawr, eux, ils ont émis une autre règle à ce sujet-là. Ils ont dit que lorsque quelqu'un veut prier sur sa monture, il doit commencer la prière en direction de la Qibla. Puis par la suite, il peut se tourner dans la direction dans laquelle il va, c'est pas grave. Et il dit que ça c'est basé sur le hadith de Anas qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire une prière surérogatoire pendant le voyage, il tournait sa monture vers la Qibla, puis il priait par la suite vers la direction dans laquelle il allait. Et ça, c'est, il dit que le sens apparent du hadith est général. Et le cheikh, il dit comme troisième point, عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء لأن لا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وهو راكب. Le troisième point, c'est qu'il n'est pas permis de prier la prière obligatoire sur le dos de la monture, excepté s'il y a une nécessité. Et les ulama ont dit à ce sujet-là, pour pas que la personne justement manque de se tourner vers la Qibla. Parce que en général, quand tu pries sur la monture, eh bien, tu n'es pas dans la direction de la Qibla. أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. Donc le cheikh il dit, tandis que si c'est pour une question de nécessité, une peur ou une crainte ou un torrent ou quelque chose de ce genre, alors dans ce cas-là c'est valable comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 4, أن الإيمان هنا يقوم مقام الركوع والسجود. Il dit comme point numéro 4 que ici, dans la prière surérogatoire sur le dos de la monture, le fait de bouger la tête, c'est ce qui remplace le ruku' et le sujud. Le point numéro 5, أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متجه إليها. Donc, la qibla pour la personne qui fait une prière surérogatoire sur sa monture, c'est la direction dans laquelle il fait face. C'est la direction yani qu'il fait face. C'est ça pour lui la qibla lorsqu'il est sur une monture. Le point numéro 6, أن الوتر ليس بواجب حيث صلاه عليه الصلاة والسلام على الراحلة. Le point numéro 6, c'est la preuve que le witr n'est pas obligatoire puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sur le dos de la monture. Le point numéro 7, أنه كلما احتاج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل. Le cheikh explique comme point numéro 7 que chaque fois que quelque chose est nécessaire, eh bien on voit que il y a la facilité qui rentre en jeu dans la charia. C'est une des règles dans la charia. Yani, la charia, elle facilite toujours les choses. Et le cheikh dit, وَهَذَا مِنْ بَعْدَ الْطَافِ اللَّهِ الْمُتَوَالِيَ عَلَى عِبَادِهِ. Donc ça fait partie des formes de délicatesse et de douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se suivent les unes après les autres pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux envers ses serviteurs. Et c'est un de ses noms. Il est Al-Latif. Et il dit également le point numéro 8, سماحة هذه الشريعة وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات بتسهيل سبلها فلله الحمد والمنة. Donc le cheikh il explique que on voit ici يعني la miséricorde et la tolérance de cette charia et comment elle incite les hommes à faire plus de bonnes œuvres et des actes d'obéissance et comment Allah subhanahu wa ta'ala les rend faciles pour les hommes. Et donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah qu'appartient la louange et la grâce pour ça. Le point numéro 9, ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها. Le cheikh il dit que l'imam al-San'ani il dit que les différentes versions et les différentes formulations de ce hadith réunies sont rapportées par différentes narrations dans al-Bukhari et Muslim. Et qu'il n'y a pas dans le Al-Bukhari et Muslim une seule narration qui réunit toutes ces différentes choses ensemble, hein, qui réunit toutes ces explications-là dans un seul. Le point numéro 10, « La yustadallu bihadha al-hadith ala anna al-khafd fi al-sujud akthar min al-ruku' wa innama thalika fi hadithi Jabir » حيث يقول جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع وقد أخرجه الترمذي وأبو داود. Le cheikh il dit que c'est pas dans ce hadith là qu'il y a la preuve que le sujoud était il se penchait plus que le ruku quand il était sur la monture. Ça, c'est établi par un autre hadith qui est rapporté selon Jabir, dans lequel il dit « Je suis venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur sa monture en direction de l'Orient et, ou bien de l'Est et le sujoud qu'il faisait était plus bas, il se penchait plus bas que le ruku'. » Et ça, c'est comme j'ai dit, rapporté par At-Tirmidhi et Abu Dawud. Le point numéro 11, ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة أو تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك. Le cheikh il explique comme dernier point que la majorité des ulama, ils ont établi que il est permis dans le voyage long ou court de délaisser le fait de se tourner vers la Qibla lorsqu'on est en voyage sur la monture. Donc si on veut faire une prière surérogatoire et que c'est un voyage qu'on fait, qu'il soit court ou qu'il soit long, c'est pas grave pour qu'on puisse délaisser de se tourner vers la Qibla. Excepté Malik. L'imam Malik, lui, il a dit que non, il a rajouté une condition et il a dit c'est spécifique au voyage que tu fais qui te permet de raccourcir ta prière. C'est-à-dire le voyage que tu fais qui te permet de faire rak'atayn au lieu de quatre. De faire deux rak'at au lieu de quatre. Si c'est un voyage qui est plus court que ça, dans ce cas-là, pour lui, ce n'était pas permis de prier les nawafil dans la direction que tu veux. Toutefois, le cheikh al-Bassam, il dit que personne n'a été d'accord avec lui sur cela. Personne d'autre a été d'accord avec lui sur cette position-là. Le hadith numéro 66. C'est le hadith suivant. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté encore une fois par Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il dit que lorsque les gens étaient à Quba, hein, la mosquée de Quba. Il dit les gens faisaient salat al-subh, c'est-à-dire les gens étaient en train de prier la prière de l'aube. Et quelqu'un est venu, hein, il y a quelqu'un qui est venu leur dire pendant qu'ils étaient dans la salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette nuit une révélation du Coran qui lui ordonne de se tourner vers la Kaaba, qui lui ordonne de se tourner vers la, yani, vers la Kaaba. Alors il dit fastaqbaluha, c'est-à-dire alors ils se sont tournés vers la Kaaba, c'est-à-dire, hein, comme il dit, ils ont tourné, leur visage était tourné vers la Palestine, hein, à ce moment-là, et donc ils ont fait un tour de 180 degrés pendant la prière, et ils se sont tournés, au lieu d'être vers le nord, ils se sont tournés vers le sud. Donc c'est ça ce qu'ils ont fait pendant la prière, ils ont fait un tour de 180 degrés pour se tourner vers le sud, vers la Kaaba. Naam. Donc ça c'est le hadith en question et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي للحديث تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبلة الأنبياء قبلة الأنبياء السابقين من بيت المقدس فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا. Donc ici le cheikh explique, comme on l'a dit, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Médine, il y avait beaucoup de juifs, et la sagesse, hein, la sagesse droite impliquait que les musulmans prient, hein, que la qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans soit vers la qibla des prophètes précédents, c'est-à-dire Baytul Maqdis, hein, la mosquée Baytul Maqdis qui est en Jérusalem. Puis donc au début, pendant 16 ou 17 mois, ils ont prié vers Baytul Maqdis. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatashawwaqu ila sarfihi ila sarfihi ila istiqbal al-Ka'ba al-musharrafa fa anzala Allah ta'ala qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة يصلون إلى القبلة الأولى فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى الآية السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il souhaitait, yani, pouvoir se tourner vers la Kaaba, la Kaaba, et Allah subhanahu wa ta'ala justement a révélé un verset dans le Coran, le verset 144 dans Surat al-Baqarah qu'on a récité au début, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit: nous voyons comment tu tournes ton visage dans tous les sens vers le ciel, et nous allons t'orienter ou te diriger vers une direction qui te plaît. Alors tourne ton visage vers la direction de la mosquée al-Haram à Mecca, hein, la Kaaba. Alors à ce moment-là, les musulmans, les sahabas sont partis, hein, vers Quba, et yani, ils ont trouvé que certains d'entre eux sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que les gens n'avaient pas encore tourné, n'avaient pas encore fait le changement de la Qibla, ils priaient encore vers le nord. Alors pendant la prière, ils leur ont dit de se tourner vers la Kaaba, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation de cela dans le Coran, et c'est ça qui est indiqué dans le verset qu'on a lu précédemment, dans le verset 144, et il s'est donc tourné vers la Kaaba pendant la salat. Il dit فَمِنْ فِقْهِهِمْ وَسُرْعَةِ فَهْمِهِمْ وَصِحَّتِهِ اِسْتَدَارُوا عَنْ جِهَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة. Donc il dit, tu vois leur compréhension qu'ils avaient et comment ils ont compris la religion comme il faut, du fait que aussitôt qu'ils entendaient un ordre d'Allah, ils l'exécutaient sur le champ. C'est-à-dire tout de suite. Depuis qu'ils entendaient quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne retardaient pas. Ils n'ont pas dit, par exemple, bon, on va finir la prière vers la Qibla vers le nord comme on faisait, puis après la prière, on va changer. Non. Tout de suite, pendant même qu'ils étaient en train de prier, hein, l'imam est devant et les gens sont derrière en train de prier, l'imam a commencé à tourner et les gens se sont mis à tourner eux aussi, 180 degrés, et ils se sont, ils ont commencé à prier tout de suite vers la Kaaba, vers le sud. Donc on voit à quel point l'application des sahaba, elle était, hein, toujours directe. Donc ils se dépêchaient tout le temps pour mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et y a certaines mosquées à Médine, par exemple, il y a plusieurs mosquées, même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Quba, et la plupart des mosquées qui existaient à l'époque ont eu donc à prier vers le nord pendant, comme on a dit, 16 ou 17 mois. Et elles ont changé de Qibla. Hein? Ils ont tourné leur Qibla du nord vers le sud. C'est pourquoi il n'y a pas une mosquée à Médine en particulier qui a le mérite d'avoir eu ce changement de Qibla. Même si parfois les gens font allusion à la mosquée qu'ils appellent la mosquée Qiblatayn, hein, c'est-à-dire en arabe Qiblatayn, c'est-à-dire les deux directions, les deux Qibla. Et c'est quelque chose qui induit en erreur parce que ça donne l'impression que cette mosquée-là serait la seule où il y a eu deux Qibla, où les gens priaient vers le nord et que par la suite ils ont prié vers le sud. Or, c'est pas vrai. C'est pas le cas. Puisque toutes les autres mosquées qui existaient à cette époque ont eu un changement de Qibla, elles aussi. La mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en premier. Et la mosquée de Quba, qui est la première mosquée, hein, dans l'islam. Donc, elle aussi, il y a eu un changement de Qibla, comme on l'a lu dans le hadith. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une mosquée en particulier qu'on peut dire que c'est la mosquée où il y a eu le changement de Qibla, ou plutôt qui peut s'appeler par exemple la mosquée des deux Qibla, par exemple. Comme certaines personnes qui, parfois quand ils vont visiter Médine, ils passent pour aller visiter cette mosquée, par exemple, ils disent on va aller visiter la mosquée Qiblatayn. Eh bien, Qiblatayn, ça ne fait pas partie des mosquées à visiter. Hein? Les choses à visiter quand on va à Médine, c'est la mosquée de Quba. Premièrement, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a un hadith là-dessus, et que la prière dans sa mosquée a plus de valeur que la prière dans une mosquée autre. Hein? Il y a trois mosquées qu'on peut visiter comme ça, qui ont plus de récompenses. C'est la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée à Mecca, le Masjid al-Haram, et Bayt al-Maqdis, la mosquée al-Aqsa. Et puis, il y a également des mérites mentionnés dans la Sunna au fait de visiter la mosquée Quba. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il partait chaque samedi pour aller faire rak'atayn là-bas. Et également, c'est également une mosquée qu'on doit visiter. Puis il y a aussi le mérite de visiter Uhud, d'accord. Et à part ça, il n'y a pas d'autres endroits ou lieux à visiter à Médine, d'accord. Donc le cheikh, il dit maintenant les règles qui sont reliées à ce hadith là et il y en a 10 points mentionnés. Le cheikh, il dit premièrement: القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. Donc ça c'est une chose qu'on connaît. La Qibla au début de la Hijra, elle était vers Bayt al-Maqdis, vers le nord, puis elle a été changée vers la Kaaba. Deuxièmement, أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. Donc si on est en face de la Kaaba et qu'on peut la voir, hein, donc on se tourne vers elle. Si on est loin, hein, éloigné de la Mecque, on est dans une autre ville ou un autre pays, c'est suffisant de se tourner dans sa direction. D'accord? Et le cheikh, il dit que une fois que les musulmans, après qu'il y a eu le changement de la Qibla du nord vers le sud, ou bien de Bayt al-Maqdis vers... parce que quand on dit le nord vers le sud, ça peut induire en erreur, parce que c'est pas tout le monde qui est au nord ou au sud de la Kaaba. Hein? Par exemple, ceux qui habitent à Médine, ils prient vers le sud pour faire face à la Kaaba. Ceux qui habitent au Yémen, eux, ils prient vers le nord pour faire face à la Kaaba. Donc, ça dépend en fait d'où tu es. Si tu es en Égypte, tu vas prier vers l'est. Et si tu es, par exemple, au Pakistan, tu vas prier vers l'ouest pour faire face à la Qibla. Et selon où tu es, comme par exemple, où tu es sur la terre, comme ici à Montréal, la direction c'est le nord-est. Et donc, là où tu es, tu fais le lien entre la distance que tu es et la Kaaba pour savoir la direction dans laquelle tu dois te diriger. Et le cheikh, il explique que, comme troisième point, « وَأَفْضَلُ الْبِقَاعَ هُوَ بَيْتُ اللَّهِ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ وَلَا يُقِرُّ هَذَا النَّبِيُّ الْعَظِيمُ وهذه الأمة المختار إلا على أفضل الأشياء. Donc le cheikh explique que la meilleure endroit, hein, la meilleure endroit au monde, c'est la Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'appelle la maison d'Allah, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'associe à lui-même, ou il le relie à lui-même dans la mention, pour montrer son honneur, pour montrer que c'est un endroit qui est honoré, un endroit qui est saint, qui est sacré. Et on dit que, donc le cheikh dit que la Qibla, elle a été approuvée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la Umma, qui est la Umma choisie par Allah, elle a agréé cette Qibla, cette direction, parce que elle n'accepte que les meilleures choses et elle n'aime que les choses les plus pures, les meilleures. Le point numéro 4, جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود ومن شايعهم من منكر النسخ. Donc la permission, ou le fait qu'il est permis qu'il y ait dans la sharia des abrogations, contrairement aux juifs et ceux qui leur ressemblent, comme les Rafida, hein, qui renient qu'il puisse y avoir des abrogations dans la charia. Le point numéro 5, أَنَّ مَنِ اسْتَقْبَلَ جِهَةً فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَى أَثْنَى الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ وَلَمْ يَقْطَعْهَا وَمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ صَحِيحٌ. Le cheikh, il dit qu'on peut tirer également de ce hadith-là la règle suivante, comme point numéro 5, c'est que si quelqu'un, par exemple, il prie dans une direction, hein, il fait sa salat dans une direction, puis pendant la salat, il réalise qu'il s'était trompé de direction. Il ne priait pas vers la bonne direction, et que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait juste se tourner. Hein, il tourne vers la bonne direction et sa prière ne sera pas annulée. Sa prière sera valable. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait avant de se tourner est valable aussi. Ça n'annule pas sa prière du moment qu'il se tourne, hein, pendant qu'il prie. Donc il n'y a pas de problème de faire ça. Le point numéro 6, أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه. أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه فإن القبلة حولت فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قبة الخبر أو وقبل أن يبلغ أهل قبة الخبر وصلوا إلى وقبل أن يبلغ أهل قبة الخبر صلوا إلى بيت المقدس فلم يعيدوا صلاتهم. Donc le cheikh il explique que quand est-ce que le verdict devient obligatoire pour la personne, hein? Quand est-ce que le verdict de la charia, un verdict quelconque, devient obligatoire pour une personne? C'est lorsque, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est lorsque le verdict en question est transmis à la personne et que ce verdict-là lui est transmis et l'atteint. Comme par exemple le changement de la qibla. Le changement de la qibla était venu le soir, hein, ou bien le jour avant. Mais les gens de Quba, eux, ils n'ont pas reçu la nouvelle que la qibla a été changée, excepté le lendemain matin, à Fajr, hein, à Subh. Donc, quand est-ce que c'est devenu obligatoire pour les gens de Quba de se tourner? C'est devenu obligatoire pour eux de se tourner vers la Kaaba au moment où ils ont reçu le message, au moment où ils ont reçu l'information que la Qibla a été changée. À partir de ce moment-là, ça devenait obligatoire pour eux de changer la direction de leur prière et ils n'avaient pas à refaire les prières qu'ils avaient faites avant d'avoir reçu cette information-là. D'accord ? Le point numéro 7. أن الخبر الواحد ثقة. أن خبر الواحد ثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم. Donc ça c'est une preuve ici pour confirmer l'information qui nous vient d'une personne unique. Hein? Donc si tu reçois une information d'une personne unique, mais que cette personne, elle est fiable et honnête, hein? Alors dans ce cas-là, tu as le droit, tu dois l'accepter et tu dois l'appliquer, cette information-là, même si cela vient annuler quelque chose qui était établi par les voies de la connaissance auparavant. إِذَا خَفَّتْ بِهِ قَرَائِنَ الْقَبُولِ. Donc, c'est ça. الْخَبْرَ الْوَاحِدِ, si une personne, elle vient te dire quelque chose, même si c'est une seule personne, puis que la personne, elle est fiable, eh bien, tu acceptes, tu dois accepter ce qu'elle te dit et tu dois le mettre en application. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la sunna. Les sahaba, ils recevaient l'information d'un autre sahabi, quelqu'un qui venait leur transmettre un message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'acceptaient, même si c'était juste une seule personne. Après, le shaykh, il dit, le point numéro 8, وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَلْ وَلَوْ كَثِيرًا فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَتِهَا مَشْرُوعٌ. Donc, par rapport à al-khabar al-wahid, l'information qui est transmise par une seule personne, on le voit dans l'exemple de la prière et la direction vers le changement de la direction de la Qibla pour les gens de Quba. C'est une personne qui est venue leur dire ça. Une seule personne qui est venue puis leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un verset de Coran pendant la nuit pour lui dire qu'il pouvait changer la Qibla, qu'il devait changer la Qibla vers Mecca, vers la Kaaba. Donc, à partir de ce moment-là, tous les gens, même dans la prière, se sont tournés. Ils n'ont pas dit, ah, mais ça c'est juste une personne, on va attendre qu'on ait la nouvelle de plusieurs. Non, ils ont tout de suite changé la direction de la Qibla. Le point numéro 8, وَفِهِ أَنَّ الْعَمَلْ وَلَوْ كَثِيرًا فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَتِهَا مَشْرُوعٌ. C'est-à-dire que si tu fais un mouvement dans la prière et que ce mouvement que tu fais dans la prière, il fait partie du bien de la prière lui-même, de la prière elle-même, alors dans ce cas-là, c'est permis. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans la prière de bouger, de faire n'importe quel, de marcher, d'avancer, de reculer, de faire des choses comme n'importe comment. On ne peut pas faire comme dans la prière, on ne peut pas faire n'importe quel mouvement qu'on ferait en dehors de la prière. Sauf que si c'est un mouvement qu'on fait qui est relié lui-même à la prière, dans ce cas-là, il est permis. Comme l'exemple des sahabas, lorsqu'ils ont reçu l'information de changer de qibla. Imaginez, combien ils étaient, on ne sait pas, mais c'est pour dire, ils étaient en train de prier, il y a un imam devant, et il y a des rangs, on ne sait pas combien de rangs en arrière. Eh bien, pour faire ce changement-là, de tourner 180 degrés, c'est toute une manœuvre. Ce n'est pas un petit mouvement. Et malgré ça, walaykoum salam wa rahmatullah, et malgré ça, ils ont fait cette manœuvre-là, ils ont fait ce changement-là. Ça montre que c'est permis de bouger dans la prière si c'est pour le bien de la prière elle-même. Le point numéro 9. فيه دليل على قبول خبر الهاتف اللاسلكي في دخول شهر رمضان أو خروجه وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد إلا أنه قد حف به من قرائن الصدق ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر والتجربة المتكررة أيدت ذلك. Donc le cheikh il donne comme point numéro 9 que il y a dans ce hadith la preuve qu'on peut accepter l'information qui est transmise par le téléphone sans fil. Et que si quelqu'un par exemple nous donne l'information par téléphone que le mois du Ramadan est entré ou qu'il est sorti, eh bien, yani, si on voit que c'est des choses qui sont transmises de façon honnête, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de le rejeter. Et on va accepter l'information qui est transmise d'une personne à l'autre par ce moyen-là, lorsque c'est des informations même si c'est des informations qui concernent les règles de la charia. Le cheikh il dit, oui c'est ça. Donc même si c'est des informations qui sont transmises d'une personne à l'autre, mais c'est des choses qui sont reliées à des indices qui indiquent la véracité de l'information et qui fait que on est en tranquillité et que on n'a pas de doute de la véracité de l'information qui est transmise. Et l'expérience qui est répétée confirme que ça c'est quelque chose qui est faisable et qui est permis. Et il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Si quelqu'un nous appelle au téléphone et nous dit le mois de Ramadan on a vu la lune à tel ou tel endroit, dans ce cas-là on n'a pas de raison de pas vouloir accepter cette information-là ou ne pas le croire si la personne est une personne fiable. Le point numéro 10. Et c'est le dernier point ici. قال الطحاوي في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. انتهى كلامه. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف. وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Tahawi il dit que dans le hadith il y a la preuve que celui qui ne connaît pas l'obligation d'Allah et qui n'a pas reçu l'appel de la da'wa, l'appel du message, donc dans ce cas-là cette obligation-là ne lui est pas imposée et la preuve n'a pas été établie contre lui. S'il n'a pas reçu l'information de l'obligation d'Allah dans ce cas-là, il n'est pas, il n'a pas, Il n'a pas reçu le message. Donc c'est, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour lui, puisqu'il ne le sait pas. La preuve n'est pas établie contre lui. Ça, c'est la fin de la parole de Al-Tahawi. Puis le cheikh, il dit que les savants de Usul ont également ajouté que la compréhension, c'est une condition pour que quelqu'un soit responsable dans de ses actions dans l'islam. Tu vois? Donc si quelqu'un, on lui transmet quelque chose mais qu'il ne le comprend pas, comme par exemple, supposons que quelqu'un, par exemple, il ne comprend pas l'arabe, puis toi tu viens puis tu lui dis « Aqim al-Salah », puis que lui il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire « Aqim al-Salah ». Alors dans ce cas-là, c'est clair que il ne peut pas l'appliquer puisqu'il ne comprend pas. Et une des conditions pour que la personne soit responsable de mettre en application ce que Allah lui ordonne ou de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, c'est qu'elle comprenne l'ordre. Hein? Et donc le cheikh dit que Ibn Taymiyyah a dit une parole semblable à ça, ou bien plutôt qu'il a mentionné une parole. Il dit An Ibn Taymiyyah fi mithli hadha qawlan. Donc il a mentionné deux positions à ce sujet-là, et une des deux est en accord avec ce qu'on a mentionné. Donc il y a un autre hadith, il reste un autre hadith à propos de la Qibla, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah, pour le hadith au sujet de la Qibla. Le sujet du wa alaykum salam wa rahmatullah. Le prochain chapitre, c'est les hadiths au sujet des soufouf, c'est-à-dire les rangs dans la prière. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné au sujet de l'alignement des rangs dans la prière, hein? Et on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur ça énormément, hein? Et il a indiqué aux musulmans que c'est très très très important de redresser les rangs et de les mettre, hein, bien alignés et de ne pas diverger dans les rangs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.